Vous auriez pas falsifié dans le monde de monsieur? J'ai fait ça dans le monde. Bah ouais. Je peux pas me donner le droit de me droguer en fait. Ça, Adèle, tu le vois à la vidéo et puis tu te dis arrête de boire parce que c'est débile de boire. Oui, Adèle, c'est papa à l'appareil. Bah écoute, je suis un petit peu surpris de voir que tu te rendors comme ça. Bon. Surtout un jour où tu avais rendez-vous. C'est un peu décevant, voilà. Si, j'ai envie, mais je veux pas être comme ça tout le temps. Coucou les filles, je vous envoie ce message pour vous dire que je vais mieux. Je pourrais crever, que ça me ferait pas chier. J'ai décidé de rallonger mon séjour d'une semaine. J'arrive même pas à pleurer. Je sais que non, Adèle, sois raisonnable, tu gères. Je ne gère rien du tout. Oui, bonjour à la mairie. Allez, sur une police de maths, rappelez-moi s'il vous plaît au 02. 46. Merci. Tous les 15 jours, mais c'est pour te dire que je vais refaire une ordre du coup, avec un chevauchement de 7 jours, parce qu'elle a tout consommé ces 15 jours-là. J'avais encore envie de consommer. J'avais 48 heures de clean. Je suis toujours en sevrage. Je ressens pas de culpabilité, je ressens rien de ce que je pourrais. J'ai l'impression d'être un enfant de 8 ans. Je suis capable de tout niquer en tellement peu de temps. Mes émotions, elles sont complètement décuplées, mais c'est cool.